Tiens, voilà 5 000 francs que Chanor m'a généreusement prêté, dit Venceslas pour couper court à ses interrogations quasi judiciaires. Il avait fait 2 paquets de ses 10 billets de 1 000 francs, un pour Hortense et un pour lui-même, car il avait pour 5 000 francs de dette ignorée d'Hortense. Il devait à son praticien et à ses ouvriers. « Te voilà sans inquiétude, ma chère, » dit-il en embrassant sa femme. « Je vais, dès demain, me mettre à l'ouvrage. Oh, demain, je décampe à 8h30 et je vais à l'atelier. Ainsi, je me couche tout de suite pour être levée de bonne heure. Tu me le permets, ma minette ?» Le soupçon entré dans le cœur d'Hortense disparut. Elle fut à 1 000 lieues de la vérité. Madame Marneffe, elle n'y pensait pas. Elle craignait pour son Venceslas la société des Lorettes. Les noms de Bixiou, de Léon de Lora, deux artistes connus pour leur vie effrénée, l'avaient inquiétée. Le lendemain, elle vit partir Venceslas à 9 heures, entièrement rassurée. « Le voilà maintenant à l'ouvrage, » se disait-elle en procédant à l'habillement de son enfant. « Oh, je le vois, il est en train. Eh bien, si nous n'avons pas la gloire de Michel-Ange, nous aurons celle de Benvenuto Cellini. » Bercée en elle-même par ses propres espérances, Hortense croyait à un heureux avenir, et elle parlait à son fils, âgé de 20 mois, ce langage tout en onomatopée qui fait sourire les enfants, quand, vers 11 heures, la cuisinière, qui n'avait pas vu sortir Venceslas, introduisit Stidmann. « Pardon, madame, » dit l'artiste. « Comment, Venceslas est déjà parti ?»« Il est à son atelier. » « Je venais m'entendre avec lui pour nos travaux. » « Je vais l'envoyer chercher, » dit Hortense en faisant signe à Stidmann de s'asseoir.